Quatrième partie. Les années Reagan et Bush Senior, 1980-1992. Chapitre 14. Quand la CIA vendait des armes à l'Iran pour aider le Nicaragua. William Casey, qui arrive en 1980 à la tête de la CIA dans les bagages de Ronald Reagan, dont il a été le directeur de campagne, est ce qu'on pourrait appeler un papy flingueur du renseignement. Jeune recrue de Wild Bill Donovan dans l'OSS, il a montré son courage dans des opérations clandestines en France occupée. Reconverti en avocat après la guerre, Casey a conservé la nostalgie de cette époque. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs livres d'histoire militaire, dont un sur l'OSS. Brillant financier, il a fait fortune par des placements parfois à la limite de la légalité. La commission sénatoriale sur le renseignement renâclera à confirmer sa nomination, lui reprochant quelques menues irrégularités lorsqu'il a dirigé quelques années plus tôt la Securities and Exchange Commission, l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers. Ce républicain convaincu a participé à plusieurs campagnes et jouit d'une totale confiance de Ronald Reagan. Fait exceptionnel, il est nommé directeur de l'agence, mais avec rang de ministre et accès direct au président pour un briefing quotidien. Casey a l'intention de secouer l'agence, qui s'est laissée emporter dans les tourbillons de plusieurs enquêtes parlementaires pendant les années 1970, et se réfugie depuis dans une bureaucratie tatillonne. Dans l'entourage de Reagan, Casey fait partie des durs qui parlent de l'URSS comme de l'empire du mal et projettent bientôt d'investir des centaines de millions de dollars dans une guerre des étoiles. Les soviétologues de la CIA sont plus prudents dans leurs rapports. En plus de 30 années, l'agence n'a jamais réussi à recruter de taupes haut placées dans l'appareil soviétique. Elle est donc réduite à des suppositions sur l'état du pays et sa politique d'armement. On ignore à l'époque que l'URSS est en train de décrocher sur le plan économique et que les statistiques publiées sont fausses. On évalue son arsenal en prenant pour hypothèse une hausse régulière de production d'armes, qui sera totalement démentie par la suite. Pour les observateurs attentifs, l'URSS donne des signes de faiblesse, ce que signalent les analystes. Casey n'en a cure et durcit systématiquement les estimations transmises à la Maison-Blanche. Il veut de l'action et cherche des terrains d'opération. En 1980, le président Carter avait approuvé trois petits programmes clandestins destinés à lutter contre les sandinistes qui venaient de prendre le pouvoir au Nicaragua, après 43 ans de dictature de la famille Somoza. L'idéologie des sandinistes est un mélange de nationalisme, de marxisme et de théologie de la libération, et l'on craint qu'ils se rapprochent de Cuba. Ils soutiennent, chez leurs voisins salvadoriens, l'opposition de gauche au pouvoir en place et à ses escadrons de la mort. Washington redoute donc un effet domino qui multiplierait les régimes communistes en Amérique centrale. Il est donc décidé d'armer et d'entraîner la guérilla anti-sandiniste des Contras en leur ouvrant une base au Honduras. Les analystes de la CIA ont beau faire remarquer que les Contras sont très impopulaires au Nicaragua, Reagan fait confiance à Casey et donne le feu vert à une guerre secrète au Nicaragua. Dans un premier temps, le Congrès accorde sans barguigner les fonds secrets nécessaires. Sur un autre front au Moyen-Orient, le groupe terroriste Hezbollah commence, sous l'impulsion de son commanditaire iranien, à prendre en otage des Américains au Liban. En mars 1984, c'est le chef de poste de la CIA à Beyrouth, Bill Buckley, qui est capturé. En tout, le Hezbollah détiendra 14 otages. La situation, personnellement suivie par Ronald Reagan, requiert une action rapide. Mais la CIA n'a aucune prise sur l'Iran des Mollahs. Il est impossible de savoir où sont détenus les otages, donc impossible d'agir. Aussi, quand se présente un intermédiaire douteux, du nom de Manoucher Gorbanifar, qui prétend pouvoir obtenir leur libération, il est écouté. Cet ancien agent de la police secrète du Shah a quitté l'Iran en 1979 et s'est reconverti dans la vente de secrets qui se sont révélés tous plus faux les uns que les autres, au point que la CIA a jugé utile de faire diffuser dans toutes ses stations un avertissement sans équivoque à son sujet. L'homme est un menteur, un fabricant de fausses informations et un être nuisible. Pourtant, Casey a désespérément besoin de résultats sur l'affaire des otages et a donc envie de croire son histoire. Selon l'Iranien, une certaine faction du pouvoir à Téhéran serait disposée à autoriser la libération d'otages américains si on laissait l'Iran acquérir des missiles. Peu avant la réélection de Reagan en 1984, le Congrès s'inquiète des manières peu orthodoxes de Casey, qui a par exemple autorisé le minage de ports nicaraguayens coulant par contre-coup des navires de pays amis. Les parlementaires sont à bout de patience devant les mensonges du directeur devant la commission du renseignement. Ils décident donc de supprimer le financement des Contras du Nicaragua. Casey, qui n'a aucune intention de renoncer, doit chercher des fonds à l'étranger, ce qui est d'ailleurs spécifiquement interdit par le Congrès. L'Arabie saoudite accepte obligeamment de fournir dans un premier temps une trentaine de millions de dollars, mais ce n'est qu'un pis-aller. Raisonnant en homme d'affaires, Casey imagine alors une solution particulièrement créative. Vendre des missiles à l'Iran pour permettre la libération des otages américains et utiliser l'argent de la vente pour financer les Contras. Casey ne peut ignorer les dangers d'un tel montage. Toute vente d'armes à l'Iran est interdite par l'administration Reagan elle-même. Mais en juin 1985, le Hezbollah détourne vers Beyrouth un vol TWA rempli de citoyens américains et réclame en échange des otages la libération de 17 terroristes retenus au Koweït et de centaines de prisonniers d'Israël. Reagan accepte de négocier et fait pression sur Israël pour relâcher une partie de ses prisonniers. La leçon est claire, il est permis de négocier avec l'Iran. Déjà pendant la campagne présidentielle précédant les élections de 1980, des émissaires du candidat Reagan avaient obtenu du régime iranien, moyennant finances, que les otages américains de l'ambassade de Téhéran, détenus depuis plusieurs mois, soient relâchés, mais seulement après l'élection de leur candidat. Casey présente son plan à Reagan et obtient un feu vert le 3 août 1985. Un montage complexe est mis en place pour protéger tout à la fois le président et la CIA. L'homme clé de l'opération est le lieutenant Oliver North, un officier de second rang du Conseil national de sécurité, qui accepte de s'impliquer par idéologie malgré les risques juridiques importants pour lui. Les missiles sont fournis par Israël et envoyés à destination via plusieurs escales. Les transactions officielles sont assumées par des sociétés écrans. Gorbanifar et divers intermédiaires glanent de grosses commissions en fin de circuit, gonflant le prix de vente des missiles. Ce qui provoquera la fureur des Iraniens quand ils s'apercevront qu'on leur a vendu bien au-dessus du prix du marché. Deux envois de missiles permettent d'obtenir la libération d'un seul otage. Un troisième envoi de 800 missiles Hawk tourne mal. Un avion d'El Al doit les livrer à Lisbonne, d'où ils repartiront sur un cargo nigérien pour Téhéran. Mais l'autorisation de transit par Lisbonne n'a pas été obtenue. Du coup, North obtient qu'un avion de la CIA aille chercher les missiles à Tel Aviv pour les livrer directement à Téhéran. Les Iraniens ne sont même pas contents de découvrir la cargaison de missiles, de vieux modèles portant de surcroît des inscriptions en hébreu. Le président est obligé de signer un décret rétroactif autorisant ce transfert. Dès lors, l'explosion du scandale est programmée. Les Iraniens réclament désormais des renseignements militaires sur l'armée irakienne, avec qui ils sont en guerre. Les États-Unis, qui ont armé l'Irak, acceptent. En octobre 1986, un avion cargo transportant des armes à destination des Contras est abattu au-dessus du Nicaragua. Le seul survivant du crash avoue qu'il travaille pour la CIA. Le mois suivant, un journal libanais révèle que l'Iran a reçu 2000 missiles des États-Unis. Les deux affaires se développent en même temps dans la presse américaine. Tous les projecteurs se focalisent sur Bill Casey. Celui-ci est frappé le 15 décembre par une attaque. Il ne sera plus en mesure de répondre aux questions du Congrès et mourra peu après. Le ministère de la Justice est contraint de déclencher une enquête dont les conclusions sont reproduites ici. Beaucoup d'autres présidents n'auraient pas survécu à un tel scandale, qui reste comme la tâche principale de l'agence dans les années 1980. Pourtant, la popularité de Ronald Reagan en fut à peine affectée. Il fallut attendre 5 années pour que soient libérés les derniers otages américains du Liban.